La dignité psychique. En période de crise ou au moment où est produit cet enregistrement, beaucoup de libertés individuelles ont été restreintes dans des pays occidentaux, que ce soit le Québec, ensuite les États-Unis, la France, etc., étant donné la crise du coronavirus. Donc, des mesures draconiennes ont été mises en place par les gouvernements. Et c'est sûr qu'on m'a retiré certains droits et ça me contrarie. Je suis très transparent par rapport à vous, dans le sens que ma compagne, ça fait un peu plus de mois là, que je ne l'ai pas vue. Et comme on ne réside pas sur le même toit, à ce moment-là, ben, techniquement, on n'est pas supposé de se rencontrer à mon domicile. Donc, pour respecter des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement du Québec. Et ça me contrarie d'être confronté à ce type de contraintes-là. Ce qui me contrarie le plus, c'est lorsque je vois sur Facebook, entre autres, et puis il y a des gens qui vont envoyer des posts comme de quoi là, qu'il peut y avoir une possibilité de vaccination obligatoire. Puis il y a toutes sortes d'informations qui circulent par rapport au vaccin. Il y a des gens qui vont dire que dans les vaccins, ils mettent de l'aluminium et également d'autres produits chimiques qui seraient toxiques pour l'organisme, qui pourraient occasionner des problèmes de santé. C'est sûr qu'il y a des vérifications à faire là-dessus. Ensuite, il y a des questions, il y en a qui vont loin, là, qui vont dire que c'est un prétexte pour une vaccination mondiale potentielle pour implanter la puce sous-cutanée. Donc, que chaque être humain soit muni d'une puce qui permettrait une géolocalisation d'où il se trouve, un peu comme un GPS qui se trouve dans un véhicule automobile ou également dans un téléphone intelligent qui nous permet de savoir en temps réel où la personne se situe. Et il y en a qui vont aller plus loin par rapport à ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai déjà entendu dire qu'il y aurait comme une puce avec des nanoparticules qui pourrait occasionner la personne avec des chocs électriques, etc., a vécu certaines émotions, certains états. C'est sûr que j'avais vu il y a quelques années un film de science-fiction où chacun des prisonniers se voyait injecter une puce à l'intérieur d'eux et s'il dépassait, par exemple, un corridor de transport avec des lignes au sol, ben, automatiquement, il y avait un choc électrique en relation avec la puce sous la peau pour empêcher qu'il sorte des paramètres dans lesquels ils sont confinés. C'est sûr que sinon, la pire hypothèse sur le vaccin, c'est celle de l'injection létale. Un peu comme, par exemple, les gens qui ont la peine de mort aux États-Unis, ils peuvent se faire injecter dans les veines des produits toxiques. Et la pire hypothèse amenée là-dessus, c'est qu'il y aurait un vaste complot pour amener une réduction de la population mondiale qui a été mis en place par les élites actuelles dans le but de réduire massivement la population puis d'utiliser le prétexte d'une vaccination suite à cause d'une pandémie monstre pour en profiter pour faire le ménage. Puis curieusement, il y aurait certaines personnes qui décéderaient là, suite à la vaccination. Donc, ça va loin. Il y a plusieurs choses. Il y a des histoires d'horreur. Il y en a qui vont dire que c'est du délire, complotiste, conspirationniste, paranoïaque, etc. Mais tout ça pour dire que l'idée de me faire vacciner m'inspire pas confiance aussi dans le sens que, à quelque part, il y a eu des vaccinations. Comme par exemple par rapport à la grippe saisonnière. Puis il y en a eu. J'avais tombé un article qui disait que il y avait eu 0% d'efficacité une année par rapport à la vaccination, où il était même question qu'à un moment donné, c'est 60% d'efficacité. Donc, c'est pas absolu non plus. Donc, il y a plusieurs éléments aussi. Puis, avec le temps, je m'intéresse à la naturopathie, puis revenir à la nature, où, historiquement, pendant des millénaires, l'être humain a survécu sur la Terre sans être vacciné. Puis ça, c'est récemment dans l'histoire que le vaccin est apparu. Donc, si l'être humain, pendant une longue période de temps, dans son histoire, n'a pas été vacciné puis a réussi, été capable de fonctionner, ben ça veut dire que quelque part, c'est pas nécessaire pour être capable de survivre par rapport à l'ensemble de l'humanité. Donc, il y a plusieurs éléments à mettre en contexte, mais bref, l'idée de me faire vacciner contre mon gré ne me plaît pas. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et c'est sûr que c'est ça présentement quand je regarde les contrariétés que je vis, parce qu'il y en a plusieurs. Ma plus grande contrariété, ce ne serait pas d'attraper le coronavirus. Après tout, lors de mon anniversaire, au 1er février dernier, je m'en rappellerai parce que c'est le jour de ma fête, j'ai eu la grippe intense, puis selon les symptômes que j'ai vus, c'est très apparenté au coronavirus. C'est sûr que je n'ai pas passé de test qui permet de le confirmer objectivement, mais j'en ai discuté avec une personne, puis une personne a eu la vibration que c'était le coronavirus, mais ça reste à vérifier, là. C'est sûr que de parler de soi, ben c'est difficile d'être objectif par rapport à soi-même. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu un problème de santé apparenté avec de la fièvre. Ensuite, ça s'est attaqué aux poumons. Il y a eu du mucus. J'ai craché de couleur et la fatigue musculaire. Ensuite, j'ai toussé et ainsi de suite. Donc, ça, j'ai vécu ça. Puis c'était intense. Puis présentement, ce qui m'amène à vibrer à de la contrariété, de la colère, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir une vaccination forcée. Donc ça me fait vibrer émotivement. Je suis transparent avec vous, je vous le partage, puis si c'est le cas pour moi, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Et face à cette idée, parce que j'ai quand même tombé sur un article de Jourdeau où il était question que c'est quelque chose qui pourrait arriver et que selon les lois ici au Québec, là, une obligation pourrait être obligatoire, le gouvernement pourrait exiger ça des citoyens. Tout ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que moi, personnellement, si une obligation de me faire vacciner et que c'est contre ma volonté, je sens que c'est une imposition, mais à ce moment-là, le contrat social que j'ai avec le Québec va prendre fin. Dans le sens que le contrat social, c'est ce qui nous lie à une société. C'est un consentement explicite ou tacite à différents niveaux. Contrat social, c'est par exemple l'individu accepte de payer des impôts, mais en contrepartie, il bénéficie de l'État de ressources en matière de santé, d'éducation. Donc l'État le prend en charge. Donc c'est une espèce de compromis dans le sens que d'un côté, on retire de l'argent à l'individu, mais c'est pour lui redonner d'un autre. Donc, si c'est fait dans une optique d'équilibre énergétique, pour moi, le contrat social est pertinent. Par contre, si je change dans le contrat social, au nom de la sécurité, on me retire la liberté de pouvoir dire non à une vaccination obligatoire, puis on me force, à ce moment-là, moi, c'est la goutte à ne pas faire déborder. On peut m'imposer présentement de me tenir à distance des autres sur la rue, à 2 mètres. On peut m'imposer par la suite, lorsque je fais l'épicerie, de rester à 2 mètres de personne. On pourrait m'imposer de porter un masque pour aller à l'épicerie ou dans certains contextes publics. Ça, je trouverais ça difficile, honnêtement. Par rapport au masque, ben c'est sûr que si la personne a des symptômes, puis bon, elle tousse, elle éternue, oui, je trouve ça pertinent, mais si la personne n'a pas de symptômes, de lui imposer de porter un masque, ça me plaît pas. En tant qu'égo, là, ça me fait pas plaisir, mais à la limite, si cette contrainte-là sociale est présente, je serais prêt à m'y soumettre. On peut m'imposer certaines choses, mais ultimement, ce que j'accepterais pas qu'on m'impose, ça serait de me faire vacciner d'une manière obligatoire, sans mon consentement libre et éclairé. Parce que pour moi, il y a quelque chose d'intrusif là-dedans, dans notre corps biologique. Et puis, le fait qu'on voudrait, par exemple, vacciner massivement les gens dans les pays occidentaux, pour moi, je trouverais ça extrêmement suspect que tout d'un coup, suite à une crise qui crée une tension, qu'il y aurait une vaccination forcée. Moi, c'est sûr que j'achèterais pas ça parce que, non, ça, je le sens pas. Puis, c'est sûr que de parler de ça, bon, ben, c'est une idée qui m'habite présentement. Fait que ce que je fais à travers cette communication, je l'extériorise, je l'expulse. Cette contrariété, cette idée contrariante, c'est sûr, c'est du virtuel, on s'entend, c'est une pensée réflexive qui m'est envoyée dans le mental, puis comme je réagis, ben, de l'autre côté, dans l'invisible, il me le renvoie, Puis pour neutraliser ça, je cherche à créer en moi un ordre cohérent. Et l'ordre cohérent, c'est quoi? Ben, c'est de reconnaître ultimement qu'en tant qu'individu, je vais faire tout ce que je peux advenant qu'il y ait une vaccination forcée pour pas m'y soumettre. Donc, de manière pacifique, s'il y a des manifestations, y participer, et ainsi de suite. Et si ultimement, il y a une obligation de m'y soumettre pour voyager, aller dans d'autres pays, ça, c'est pas un problème. Je suis prêt à renoncer à ma possibilité d'aller en Europe, advenant que les autorités européennes, ou même chose pour les États-Unis, obligent pour passer la frontière que la personne présente une preuve de quoi qu'elle est vaccinée contre le coronavirus, étant donné la virulence de ce type de virus. Ça, j'ai renoncé au droit de voyager, ça, c'est pas un problème pour moi, parce que mon destin, c'est d'être au Québec, puis je suis là. Donc, c'est pas problématique. Mais de pouvoir continuer à vivre au Québec, puis je serais obligé d'avoir un vaccin, ça, c'est la limite pour moi à ne pas franchir. Puis si ça arriverait, bon, ce que je vois, puis je l'extériorise pour créer un ordre, pour me définir par rapport à cette crainte-là, pour voir qu'est-ce que je fais. Des fois, c'est sûr que, dans le fond, de définir qu'est-ce qu'on est prêt à faire et non, ben ça nous permet de créer un ordre. C'est sûr que ça change pas nécessairement certaines choses au niveau de l'événement, dans le sens que si le collectif l'impose, ben au moins d'être capable de se définir par rapport à ça, c'est intelligent, dans le sens que ça permet de se positionner individuellement. Donc, dans un premier temps, ben, je vais faire des émissions sur Internet pour dénoncer ça. S'il y a des pétitions, je vais les signer. S'il y a des manifestations, je vais y aller. S'il y a différentes actions qui sont prises dans ce sens-là, je vais participer à ça. S'il y a un recours devant les tribunaux, je vais, dans le fond, des démarches juridiques de gens qui veulent empêcher ça, puis de mettre un mémoire au gouvernement, un peu comme, par exemple, par rapport à... Il y a eu cours, là, il y a quelques années, là, quand il y a des sujets délicats, la loi là, concernant le port des signes religieux, bon, mais il y a des mémoires qui ont été déposées, ben, je participerai à ça aussi. Donc, j'aurais une implication personnelle. Si c'est pas possible, ben, c'est de renoncer au contrat social, rester souverain dans ma conscience. Et à ce moment-là, ça pourrait impliquer de vivre avec d'autres personnes qui, sur la même longueur d'onde, voudraient vivre en autarcie. Mais ce ne serait pas dans une optique sectaire, dogmatique ou religieuse. Il faudrait que ce soit des gens qui auraient au préalable épuré leur ego, fait un travail sur eux-mêmes pour rendre leur ego transparent, pour, dans le fond, œuvrer à partir d'une conscience nouvelle qui pourrait servir à fonder une nouvelle civilisation avec des paramètres évolutifs différents. Mais tout ça, ça reste à voir, là, bien sûr. En dehors du système. Donc, autrement dit, rien demander au système, donc pas demander la protection médicale, pas demander l'éducation, puis un peu comme une réserve amérindienne, vivre en parallèle avec le reste de la société, mais dans une optique que ça soit toléré par les autorités québécoises, là, naturellement, de vivre en fonction de l'agriculture. Et puis, c'est sûr que je réalise, à travers la période de crise présentement, où il y a des mesures, ça serait dans le fond l'idéal, si les autorités le permettent. Si c'est pas permis, ben ultimement, c'est sûr que là, ça devient délicat, je n'irai pas nécessairement plus dans les détails, mais pour moi, je remets fondamentalement en question la pertinence d'exister dans une société qui dépouillerait l'individu du droit de dire non à un vaccin. Non, je remets en question la pertinence de continuer de vivre dans une telle société ultimement. Donc, ça peut aller jusque-là. C'est sûr que dans les prophéties, il était annoncé à un moment donné que les vivants enviraient le sort des morts lors des périodes de tribulation. C'est sûr que j'espère qu'on reviendra, on n'arrivera pas là. Puis c'est sûr que dans le cadre de mes propos, c'est que je mets ça au pire. Mais ultimement, pour moi, la vie, si elle vaut la peine d'être vécue, elle doit être dans la liberté fondamentale de l'être, dans la possibilité que l'être puisse faire respecter son individualité plutôt que être encadré avec une structure draconienne rigide. Donc, pour moi, c'est fondamental pour que le sens et aussi la possibilité de jouir de la vie puisse être présente. Et c'est sûr que ce qui habite beaucoup mes pensées dans les derniers jours, c'est l'idée de vivre dans une civilisation qui n'est pas technologique. Je suis un petit peu envieux en tant qu'égo de gens qui vivent dans la nature, qui sont pas, que ce soit dans la forêt amazonienne ou autre, qui sont pas dérangés par les bulletins de nouvelles affolants qui nous sont présentés d'une manière journalière en Occident, qui sont pas affolés non plus par les mesures de confinement imposées, qui sont pas non plus perturbés par les mesures légales draconiennes qui empêchent le rassemblement, qui amènent une distanciation sociale. Donc, ils ne souffrent pas de ça. Puis même s'il y a une crise qui ébranle, qui crée des chocs dans beaucoup de pays, notamment en Occident, qui sont tous branchés avec Internet, où l'information circule rapidement, si eux autres n'ont pas accès à cette information-là, ben ils peuvent vivre avec le rythme de la nature, être coupé de ce capharnaüm de bruit et de mots de civilisation, de pensées angoissantes et anxieuses véhiculées par les médias de masse. Donc, je suis envieux par rapport à ça. Puis, c'est sûr que quand je regarde notre mode de vie en Occident, on sacrifie nos libertés individuelles au nom de la peur, au nom de la crainte. Et c'est sûr que ma conviction fondamentale, c'est... Après avoir étudié pendant des années de temps là, l'instruction supramentale de Bernard de Montréal et aussi la philosophie jovialiste d'André Moreau, c'est qu'il n'y arrive à un être humain que ce qui lui ressemble. Ou, en termes, ça c'est en lien avec la philosophie jovialiste d'André Moreau, ou en lien avec l'instruction de Bernard de Montréal, c'est que l'individu a un destin. Donc, son destin, c'est pas de mourir du coronavirus. Ça n'arrivera pas, même s'il est exposé. Donc, mes convictions fondamentales sont là-dessus. C'est sûr qu'au début de la crise, je vais être honnête avec vous et transparent. Manu, j'écoutais le bulletin de nouvelles, ça m'a amené à vibrer à la peur. Donc, j'ai arrêté ça. J'ai fait une pause de mon écoute des bulletins de nouvelles. Là, je me suis mis à les réécouter un petit peu. Je suis détaché, mais je vis fondamentalement en fonction de mes convictions que j'ai depuis des années. Et c'est sûr que pour moi, quand que j'ai fait comme des prises de conscience sur, dans le fond, le mode de vie qu'on a en Occident versus les gens qui vivent dans la jungle, en contact avec les animaux, en contact avec la flore. Parce que plus qu'on est déconnecté de la nature en étant connecté paradoxalement à une autre technologie, plus qu'on vit juste au niveau de l'intellect, au niveau de la tête, et on est coupé du ressenti du corps. C'est sûr que moi, en tant qu'individu, je préférais vivre nu au moment où je vous parle, en compagnie de personnes qui n'ont pas de complexe judéo-chrétien avec la nudité en nature. Ce qui est intéressant par rapport à ces gens-là qui vivent en nature, c'est qu'ils sont capables de fonctionner puis d'être cohérents sans bénéficier d'assurance habitation, assurance automobile puis des différentes mesures de protection qu'on a accident, fonds de pension de retraite. Puis que le gouvernement là, donne de l'argent à la retraite, parce que à travers le contrat social, on négocie ça en fonction de certaines mesures, des fois c'est du virtuel, mais en même temps, quand on regarde la nature fondamentalement, que la personne ait un gros fonds de pension ou qu'elle n'en ait pas, si elle a à mourir du coronavirus avant l'âge, ce qui est peu probable, là, parce que les gens sont quand même, habituellement qui décèdent, sont quand même assez âgés, si elle a à mourir de ça ou quelconque maladie, elle va mourir de ça, puis elle ne bénéficiera pas du fonds de pension, ses REER, ses placements, et ainsi de suite. Donc, on vit beaucoup en fonction du virtuel. Puis notre mode de vie qui, pré-ère coronavirus, était axé beaucoup sur la vitesse, la consommation. Mais il faut regarder pourquoi on consomme. Si on consomme parce qu'on vit du stress au travail, bien, la compensation qu'occasionne la consommation permet de donner un apaisement, mais qui n'a rien à voir avec la paix de l'esprit. Si la personne vit en harmonie avec le changement de saison, la nature, la végétation. Il n'y a pas besoin, cet individu-là, dans un tel contexte, de consommer comme un fou pour compenser un stress vécu, que ce soit au niveau travail ou relationnel. Non. Il vit en fonction des éléments. Donc, nous autres, on est déconnectés en Occident de la nature. Puis quand on regarde les besoins, entre guillemets, qu'on a, tu sais, si le besoin, c'est d'aller dans un restaurant pour se détendre la fin de semaine ou aller à un spa ou aller voir une partie de hockey pour compenser un stress vécu en semaine, ben, si on vit en harmonie avec la nature, on n'a pas besoin de ça. Ensuite, si on est en contact avec l'esprit puis on est harmonisé aux lois de la vie, a-t-on besoin d'un fonds de pension? C'est peut-être des questions à se poser, puis quand que je m'amuse à décomposer ça, je réalise beaucoup que de mesures de protection qu'on a, c'est souvent pour compenser par rapport à de la peur ou un mode de vie qui manque d'équilibre. Donc, c'est sûr, entre autres, dans le fond, j'écoutais entre autres des enregistrements de Tal Schaller que je trouve extrêmement intéressant. Cet individu qui affirme avoir fait des études en médecine, puis développer une approche holistique au fil du temps. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que les gens qui vivent en nature, il y a certaines peuplades qui n'ont pas de problème de santé, comme nous autres. Ils n'ont pas de problème de cancer, de problème de santé chronique, à la différence de nous autres en Occident. Ensuite, ces gens-là connaissent pas la guerre. Par contre, leur particularité, c'est que lorsqu'ils ont des émotions, ils l'extériorisent à mesure, comme des enfants, avant que le jeune enfant, vers l'âge de 3-4 ans, se fasse brimer par la société, se fasse dire de se contrôler, de se limiter. Ben, l'enfant est spontané, il est en contact avec la vie, et l'enfant va s'exprimer sans filtre. Donc, s'il vit de la tristesse, il va la ressentir intensivement, il va se permettre de la vivre. Puis une fois que c'est fini, après quelques instants, il passe à autre chose, puis il y a un apaisement qui se fait naturellement. Tandis que nous autres, en Occident, avec le conditionnement social, vouloir bien paraître devant les autres, etc., on va avoir tendance souvent à réprimer nos émotions, à les refouler pour avoir bonne figure aux yeux de la société, puis on est conditionné par rapport à ça. Alors qu'en réalité, ce que je ressens présentement, c'est de revenir à ma condition fondamentale, dans le sens que quand que j'étais jeune, puis je ressentais de la tristesse, je l'exprimais, je vivais de la colère, je l'extériorisais à mesure, et puis, dans le fond, j'avais beaucoup de vitalité, mais le problème dans notre société occidentale, c'est souvent que au nom de la paix sociale, on va réprimer les individus. Et vous pouvez faire l'exercice, vous allez trouver ça sans doute comique, mais si on en regarde, c'est quoi, par exemple, le fameux trouble de déficit de l'attention, dont le nombre de diagnostics a mystérieusement augmenté d'une quantité incroyable au fil des dernières décennies auprès des jeunes. Donc, par rapport au déficit de l'attention, il y a beaucoup d'éléments qui correspondent à ce que la société veut pas voir, par exemple, dans une classe ou les enseignants. Donc, quelqu'un qui est agité, qui bouge beaucoup, bien sûr, les professeurs ne veulent pas avoir ça dans leur classe. Et par la suite, alors qu'un jeune enfant qui découvre le monde, c'est pas normal d'être assis, là, par exemple, pendant une journée de temps, là, sur une chaise, là. C'est contre naturel, à part si l'enfant est malade et a besoin de se reposer. Un jeune enfant, il a besoin de bouger. Mais on prend ce qui est naturel, c'est l'enfant, puis on va dire « Ah, c'est un trouble, il arrête pas de bouger. » Ben oui, mais c'est dans sa nature. Un enfant qui a de la vitalité, il va bouger. Puis là, on crée des constructions sociales. Puis si vous prenez en revue chacun des critères au niveau du DSM-5, qui sert à faire un diagnostic psychiatrique, un diagnostic pour identifier un problème de santé mentale, prenez les différents éléments, puis vous allez voir que plusieurs d'entre eux, c'est exactement ce que les professeurs veulent pas voir dans leur classe. Fait que c'est comme, des fois, j'ai l'impression qu'on... Bon, je caricature, là, il y a d'autres éléments aussi. Tu sais, le jeune enfant, il entend un bruit, puis il attire son attention, il perd la concentration pour regarder, par exemple, l'oiseau par la fenêtre. Mais c'est naturel. Prenez un individu dans la jungle, il va entendre le bruit d'un oiseau ou d'un animal. C'est vital qu'il soit en contact avec ça, parce que c'est ce qui lui permet de survivre puis de percevoir la menace. S'il entend le bruit, par exemple, d'un tigre ou d'un lion, je pense que c'est pertinent qu'il détourne son attention pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est la même chose pour le jeune enfant. Donc, d'identifier qu'un jeune qui n'est pas capable de se concentrer, c'est nécessairement une pathologie puis un problème en soi. C'est une construction intellectuelle, sociale, qui fait l'affaire des gens qui veulent nous garder calme. Donc, c'est sûr que dans mon cas, je suis privilégié parce que quand que j'étais jeune, il y avait déjà une enseignante là, qui avait dit à ma mère « Ah, ben il est peut-être atteint du trouble déficit de l'attention, il devrait peut-être être médicamenté. » Mais ma mère a jamais voulu. Ma mère, c'est plutôt une personne qui prend pas de médication le moins possible. C'est ça qu'elle m'a inculqué. Et c'est sûr que je suis heureux aujourd'hui parce que par rapport aux jeunes qui, en bas âge, prennent du Ritalin, entre autres, ou d'autres choses, bon, dans certains cas, ça peut être utile. Là. Moi, ici, mon propos n'est pas à caractère médical, mais le point dans ma vision des choses, les gens font ce qu'ils veulent, là, s'il y a des parents qui m'écoutent, c'est que, dans le fond, je pars du principe que la médication peut amener des effets secondaires. Ensuite aussi, c'est démontré, vous ferez vos recherches, les jeunes qui sont habitués de prendre de la médication pour des problèmes d'essai de l'attention, ben, ils ont plus de probabilité par la suite d'avoir des dépendances à la drogue, qui est une autre forme de pilule ou de médication. Donc, il y a une accoutumance, puis ça peut être quelque chose qui peut se produire par la suite. Mais tout ça pour dire que la société en Occident a amené des catégories sociales, a amené un super développement de l'intellect, mais ça a été au détriment de d'autres aspects, comme par exemple la libre expression des émotions. Et moi, c'est sûr que quelqu'un qui vit puis est capable de s'exprimer à mesure, puis de vivre ce qu'il y a à vivre intensivement, puis passer à autre chose, c'est ce que j'apprends moi-même à développer, puis c'est ce que j'admire aussi chez des personnes, entre autres, là, que j'interviewe, ou des gens avec qui que je discute. Et il y a un aspect de déconditionnement dans ma démarche que je fais au fil du temps à travers mes enregistrements. Puis je vous en cache pas, les enregistrements, bien sûr, ça me fait plaisir s'il y a des gens qui écoutent ça et qui en bénéficient, mais fondamentalement, je le fais pour moi. Aujourd'hui, je prends la parole. C'est pas pour sauver l'humanité, mais c'est pour m'exprimer publiquement puis manifester une vibration. Puis je sais très bien que ce que je dis, ça a des réverbérations occultes. Pour dire clairement aux forces qui s'organisent pour que présentement en société, celle occidentale soit plus équilibrée, respecte plus les besoins individuels, sa sensibilité. Puis aussi, je demande au plan de la lumière de faire en sorte que cette fameuse crise du coronavirus se règle dans les plus brefs délais, qu'on puisse retrouver une vie sociale comme avant pour qui, dans le fond, sur le plan individuel, c'est sûr que les gens vont dire « t'es égoïste », mais oui, mais en même temps, si je m'exprime pas, j'aurai rien sur une base individuelle pour que dans mon cas, je puisse revoir ma compagne comme avant. Parce que ça me crée une lourdeur énergétique, ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai pas vu en personne, on se parle par téléphone. C'est sûr que des gens vont dire « ben toi, tu te plains, le vent te plaint, t'es au Québec et puis dans le fond, nous autres, on a des programmes gouvernementaux. Oui, dans le fond, c'est sûr que je suis au Québec, je meurs pas de faim, puis il y a un filet social qui est là, à différents de d'autres endroits, que ce soit l'Afrique ou autre, qui risque d'écoper beaucoup de la crise au niveau, par exemple, du manque de ressources médicales ou au niveau de la faim, tout court. » Parce qu'à cause de la crise économique que ça génère, la pandémie du coronavirus, naturellement, mais c'est sûr que j'ai des besoins affectifs à combler, besoin aussi de toucher, d'être en contact chaleureux sur le plan humain. C'est sûr que le contexte présent n'est pas nécessairement propice à l'épanouissement sexuel dans le couple, surtout si les deux personnes vivent à des résidences différentes. Donc, c'est sûr, je me soucie de mes besoins, mais en même temps, ben c'est sûr que je soucie aussi de me définir pour demander au plan de créer un contexte présentement qui va faire en sorte que j'aurai pas à me faire vacciner, qui s'organise pour que créer un ordre puis une structure qui va faire en sorte que les gens qui veulent pas se faire vacciner, que ce soit au Québec ou dans d'autres pays occidentaux, parce que c'est ça ma contrariété fondamentale, le spectre de la vaccination. Il y a des gens vont dire, ben là, t'es susceptible, c'est du virtuel, on n'est pas encore rendu là. Oui, ben ça peut arriver. Puis c'est cette pensée-là qui m'habite puis qui réussit à m'ébranler émotivement, à me perturber, d'où le fait que je vise à la communiquer avec vous pour m'ajuster vibratoirement, l'expulser, à travers l'utilisation de la parole que je peux faire, donc l'extérioriser, puis en même temps, bien, m'ajuster, puis vous êtes là, donc vous pouvez voir le mouvement, puis vous pouvez en être témoin. Et puis c'est sûr que ça peut donner l'idée à certaines personnes de parler pour créer un ajustement vibratoire par rapport à des éléments que la crise actuelle les amène à vibrer émotivement ou déstabilise selon les failles ou leurs zones de sensibilité ou de vulnérabilité qu'ils présentent. Sinon, il est important pour moi d'amener aussi dans mon rapport de force avec les plans de la lumière le fait que pour moi, d'être vacciné, c'est inacceptable et qu'ils s'organisent en haut pour créer une résolution de crise qui n'impliquera pas de la vaccination, qui ne me limitera pas dans mes déplacements. C'est sûr que si un jour je veux rencontrer des gens, que ce soit en France, en Suisse ou en Belgique, je vais être capable de le faire. Donc, que la possibilité pour moi de voyager soit présente. Donc, ils mettent en place une résolution qui tire les ficelles de manière à créer un ordre qui va faire en sorte que les gens, dans les plus brefs délais, puissent retrouver leurs libertés individuelles comme avant et puissent, par la suite, pouvoir avoir des conditions sociales favorisant l'épanouissement. Bon, c'est sûr que si j'ai une intention par rapport au collectif, si les autres du collectif vont pas dans le même sens, ça s'actualisera pas. Néanmoins, c'est ma goutte d'eau que je peux envoyer dans l'océan de la marée humaine. Donc, c'est ça. Puis sinon, ben, si j'ai l'expression de besoins individuels spécifiques auxquels je commande et j'ordonne au plan de la lumière de répondre. Donc, mes besoins, c'est quoi? C'est de pouvoir rencontrer de nouveau ma compagne en personne dans les plus brefs délais. Ensuite, ce que je réclame, c'est de pouvoir retourner à l'épicerie là, sans être obligé là, d'être à 2 mètres là, de la caissière puis d'être derrière le plexiglas comme si j'étais un monstre ou une menace potentielle puis pouvoir me promener sur la rue n'étant pas nécessairement à être obligé d'être à 2 mètres des gens parce que ça crée une tension sociale puis d'être dans un climat où ce que tout le monde se surveille. J'ai l'impression d'être une forme de dictature où on encourage la délation. Les autorités gouvernementales ici au Québec encouragent la délation. J'ai l'impression qu'on est dans l'ancienne URSS où des gens qui se voient ensemble, ils se font filmer. Puis, bon, je comprends qu'il y a des choses qui doivent être respectées, notamment là, par rapport à des personnes âgées. C'est sûr que je ne viserai pas à perturber la société. Dans le fond, dans le sens que j'imposerai pas... Je forcerai pas les gens, dans le fond, s'ils veulent rester chez eux puis d'être à 2 mètres des autres, à être plus proche de moi que ça, puis d'aller les voir, ça c'est clair. Moi, j'impose rien. Par contre, je serai pour me faire imposer, entre autres, le vaccin. Ça, c'est clair. Donc, c'est ça, je me répète, là. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de contrariétés par rapport à ça, puis ça me permet de ventiler, d'expulser ça. Puis en le parlant d'une manière verbale, ça me permet de monter en vibration dans mon rapport avec les forces de la lumière pour leur exiger des choses. Parce que si vous demandez rien à l'univers, à l'esprit, à l'être, il se passera rien. Et moi, ce que je demande, c'est que mes besoins à la fois affectifs, érotiques, sexuels, puissent être comblés dans les plus brefs délais pour mon épanouissement personnel. Mon besoin aussi de me déplacer parce que de pouvoir se déplacer d'une région à l'autre, une suggestion très forte du gouvernement là, d'empêcher ça, de limiter le plus possible les déplacements. Puis ça, pour moi, d'être capable de me déplacer en voiture, c'est important aussi. Fait que ça fait partie de mes exigences, mes conditions, mes réclamations que j'ai envers l'esprit pour créer une tension énergétique en vue que les plans de la lumière rétablissent l'ordre dans les plus brefs délais sur Terre pour permettre aux gens de retrouver, et moi-même, des libertés individuelles. Et c'est sûr que si chaque personne qui écoute un enregistrement comme le mien se met en vibration, puis conteste les plans, et conteste aussi les autorités terrestres s'ils évaluent qu'il y a des débordements, c'est sûr, d'une manière pacifique, naturellement, à ce moment-là, ça crée une tension pour favoriser un changement. Donc, c'est sûr que ce que je demande aux autorités sociales ici au Québec, d'une manière claire et sans équivoque, c'est de réouvrir la société. Oui, par rapport aux personnes âgées, les résidences de personnes âgées, il peut y avoir une menace, il y en a qui sont mortes. Oui, par rapport à eux autres, les résidences de personnes âgées, ils peuvent conserver des mesures qui sont strictes, puis oui, il y a vraiment une menace. Mais pour le reste de la population, essentiellement, c'est des gens âgés qui en meurent. C'est pas des gens qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans. C'est pas eux autres. Donc, qu'on les laisse tranquilles. Donc, s'il y a au-dessus de 99% de la population qui en meurt pas, ben laissons ce 99% de la population pouvoir travailler, pouvoir fonctionner, et arrêtons de les emmerder avec des structures qui sont strictes si c'est pas eux autres qui remplissent les urgences. Parce que ce qu'on voit au Québec présentement, les urgences sont pas débordées de jeunes. Non, les lieux sont déserts. C'est vraiment les résidences de personnes âgées. Ici, dans le jargon technique, les CHSLD, c'est problématique, qui garde des mesures de confinement par rapport à eux autres. Puis moi, j'ai une grand-mère qui a 96 ans, puis oui, elle peut être une personne à risque, puis oui, je n'irai pas la voir en personne, en tout cas à court terme, pour ne pas la contaminer potentiellement advenant que je sois asymptomatique. Ça, je suis prêt à respecter ça, mais pour ce qui est du reste de la population, qu'on nous foute la paix avec les mesures de confinement, s'il n'y a pas de menace réelle, puis là, ça fait au-dessus d'un mois qu'on est soumis à ça. Non, il faut que ça cesse. Surtout que les statistiques de décès des autres membres de la population, entre autres en bas de 80 ans, il y en a peu ou pas. Puis s'il y en a, ça serait de faire une étude pour voir si c'est pas des gens immunosupprimés ou qui ont déjà, par exemple, des problèmes d'âge ou des problèmes respiratoires chroniques. Donc, il y a des choses aussi à clarifier à ce niveau-là. Mais bon, bref, ma volonté, c'est de commander aux forces que les gens puissent continuer à recommencer à travailler, aller au restaurant, jouer de la vie. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais exprimer. Puis je me dis, si je le fais à voix haute, il y a peut-être des gens qui, tout bas, c'est ce qu'ils ressentent, c'est ce qu'ils ont envie, puis ça va faire écho à ce qu'ils portent. Puis aussi, ils vont entretenir simultanément un rapport de force avec les plans de la lumière en support au mien. Il y a peut-être une personne qui va dire « Moi aussi, j'en veux pas de vaccin », puis un autre aussi, puis un autre aussi. Puis à un moment donné, ben s'il y a des gens qui veulent faire passer le vaccin, ben il y aura une masse critique d'individus pour s'y opposer. Puis ça passera jamais dans une société telle que le Québec, une vaccination obligatoire, ou dans d'autres sociétés occidentales, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, et ainsi de suite. Donc, si les gens sont mobilisés avec une volonté ferme de s'y opposer puis de se mettre en action concrètement, ben à ce moment-là, il n'y aura pas la possibilité que ça puisse passer en douceur pour nourrir l'industrie pharmaceutique à coups de millions pour nous vendre une solution extérieure à nous. Pour moi, la solution fondamentalement est intérieure à nous, c'est-à-dire augmenter notre système immunitaire qui nous compose. Donc, pour faire face à la maladie, c'est pas de s'injecter de produits chimiques. Sinon, pour revenir sur le thème de l'enregistrement, c'est-à-dire la dignité psychique en contexte de crise, ben c'est fondamentalement la capacité de ne pas se laisser déstabiliser par la crise, de vibrer à la peur, de rester centrique, ou si on est décentré, d'être capable de parler, entre autres, à voix haute, pour s'établir dans une vibration, puis restaurer son état énergétique. Comme là, j'ai parlé pas mal. Ça m'a permis de me restaurer énergétiquement, tandis qu'avant ça, ben j'étais seul chez moi, puis les pensées tournaient en rond dans ma tête, en boucle, comme un disque rayé qui répète tout le temps la même partie musicale. Donc, pour sortir de ça, il faut être capable de s'extérioriser, de se manifester à travers certains propos. Ce que j'ai fait, puis fondamentalement, la dignité psychique, c'est être capable de reconnaître que la liberté doit passer avant la sécurité. Puis lorsqu'on cherche la sécurité, ben c'est souvent en lien avec la peur et un désir de contrôle de l'ego. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments en lien avec ça. Bon, c'est sûr que d'avoir une assurance automobile, oui, ça a une utilité en contexte comme le nôtre occidental. Moi-même, j'ai eu un accident d'automobile, puis j'en ai bénéficié. Fait que mon optique, c'est pas nécessairement de renoncer à la sécurité. C'était plus de me positionner que dans l'optique qu'il y aurait une vaccination obligatoire, je pencherais plus vers la valeur de la liberté qui consisterait à ne pas me faire vacciner que de chercher la sécurité à tout prix puis d'avoir le vaccin ou tous les vaccins imaginables là, parce que j'aurais peur qu'un agent extérieur à moi me menace. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.